Octobre est le mois des grands spéciaux chez Dolbeau Auto. Profitez du rabais de 20% sur les modèles 2018 en stock, que ce soit le Sierra 1500, le Canyon, le Silverado. Dolbeau Auto a tout ce qu'il vous faut. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau Mistassini, numéro de téléphone 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, vous invite à visiter notre page Facebook pour nos différents spéciaux. Et rappelle que l'achat local est vital pour notre économie. On va parler de baseball. On sait qu'en série éliminatoire, on a toujours des tables rondes. Et cette semaine, j'ai choisi Derek Aucoin, qui, comme j'ai marqué sur les médias sociaux, qui est probablement l'un des meilleurs gars de sport au Québec actuellement, la radio. Il est en compagnie de notre collaborateur baseball, Bruno Boudreau. Salut Derek! Salut, merci, bien gentil pour les bons mots. Je pense que je suis pas le meilleur gars de sport, mais regarde... Un des meilleurs gars de sport au Québec. Un des meilleurs, c'est bon. Oui, également notre collaborateur Bruno Boudreau. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien. Derek, je vais commencer avec toi parce que je sais que t'es un ancien lanceur du baseball, puis pour t'écouter, tu travailles beaucoup le mental, tu parles beaucoup de mental aussi. La victoire de David Price hier, là, ça peut-tu finalement être un gros ouf, puis finalement lancer comme il est capable en série? Parce que là, à chaque fois qu'il montait sur la butte, on disait tout le temps David Price, jamais gagné en série. Je pense qu'il était à 9,95 même de ça hier à Sportsnet qu'on montrait. Penses-tu que ça peut-tu changer avec le tournant? Écoute, David Price, non seulement ça, son équipe avait jamais remporté un de ses départs en série de pré-saison dans les 10, je pense que c'est 10 départs. Fait que c'est quelque chose, c'est sûr que ça doit être un soulagement énorme, hein, parce qu'il est venu avec un gros contrat à Boston. Puis un moment donné de cette saison, il y avait des signes qui étaient très encourageants, il lançait bien, il récoltait des victoires. Alors là, il y avait toujours ce bémol-là, il y a toujours ce point d'interrogation-là. Oui, mais en série, ça va donner quoi? Ouais. Alors là, je pense que cette victoire-là, puis il a très, très bien lancé, seulement 3 jours de repos. Il était prêt en relève avant-hier également. Fait que, tu sais, c'est juste positif. Là, ça l'ajoute une autre carte pour Alex Cora, pour les Red Sox, pour la série mondiale. Mais je suis content pour lui, parce que comme athlète, tu mentionnes le côté mental, c'est difficile, parce que, tu sais, l'argent qu'il gagne, il l'a mérité, tu sais, c'est le marché qui a dicté ça, c'est pas de sa faute s'il fait 20 millions par année. Mais non, c'est pas de sa faute. Et puis, c'est un guerrier, ce que j'entends, moi, c'est un bon coéquipier, c'est quelqu'un que les gens apprécient dans le vestiaire, puis quand tu rentres dans un match comme ça, puis malheureusement, ton équipe est pas capable où tu n'es pas capable de livrer la marchandise et où l'équipe n'est pas en mesure de prendre les devants et de remporter le match, cette victoire-là représente tellement pour lui, tellement pour cette organisation-là qui s'en va en série mondiale. Puis c'est que positif. Puis je pense qu'il va pouvoir carburer et se servir de ça pour ses prochaines sorties. Avant d'aller à Bruno, Derek, je veux avoir ton opinion là-dessus. Comment se fait-il qu'un lanceur un athlète professionnel dans les séries, pas capable de gagner comme David Price? Et la pression, c'est quoi? Plus. Écoute, ils m'ont dit une chose, là, les séries, là. Ouais. C'est un autre bébite, hein. Quelqu'un qui a vécu des séries, quelqu'un qui a passé au travers toutes les séries, chaque ronde, que ce soit le match à élimination direct, la première ronde, le championnat de ligue, après ça, la série mondiale. Nous autres, on regarde ça chez nous, là, pis c'est juste des retraits. Ouais. C'est juste, tu sais, c'est un match, des fois, on va regarder notre tablette, on va aller à la salle de bain, on va sortir une bière. Mais le joueur impliqué, là, un gars dans l'abri, un gars sur le terrain, un gars dans l'enclos des releveurs, là, chaque lancé a un impact majeur. Ouais. Chaque lancé, chaque décision de l'officiel, chaque balle frappée, c'est, tu vis, il y a une tension là que si t'es pas dedans, tu le comprends pas et tu l'apprécies pas. Et vous savez que les matchs sont assez longs aussi, hein? 5 heures de temps quasiment. Alors ça, là, c'est une période très crispée pour un athlète où où c'est continuellement la lutte pour essayer de te détendre. Tu t'emploies des mécanismes de respiration, de visualisation pour tenter de te détendre pour que quand la balle est frappée à toi ou quand tu dois effectuer un gros lancer, mais Colin, tu es en mesure de le faire puis le corps répond bien. Mmh. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde dans toutes les circonstances. Tu sais, regardez juste Craig Kimbrough. Mmh. Tu sais, Craig Kimbrough, durant la saison régulière, là, il y avait-tu un lanceur qui était plus parfait que lui, qui était pratiquement pas battable? Il venait fermer les matchs pour les Red Sox. Tu regardais-le un peu, là, quand la situation est vraiment, vraiment corsée et tendue, soudainement, il commence à perdre le contrôle un petit peu plus. Je pense que c'est des gars qui sont forts mentalement. C'est des athlètes incroyables, des athlètes de pointe. Écoute, là, ce qu'ils réussissent à faire, c'est incroyable. Mais David Price, il n'oublie pas de lancer. Il n'oublie pas comment lancer. C'est juste que lorsqu'il est très important d'effectuer un lancer à un endroit précis, c'est juste des fois peut-être un petit peu trop de pression, un peu trop de tension. Il manque la cible, la balle se retrouve au bord de la clôture, c'est un circuit de 3 points. Ouais, tu sais, effectivement. C'est ça qui arrive dans son cas. Mais il n'a pas perdu ses habiletés, là. Il y en a qui s'écroulent sous la pression, il y en a d'autres qui s'élèvent. Ceux qui s'élèvent, vous les connaissez parce que c'est les héros à chaque année. Ceux qui s'écroulent deviennent les gars qui ont une réputation un peu comme David Price a eu les dernières années. Et dans l'histoire du baseball, avant d'aller à Bruno, il y a eu des drames que ça a fini. Rappelle-toi de Donnie Moore, que ça c'est documenté que Donnie Moore, qui a donné un circuit à Dave Anderson en 1986 aux séries de championnat, s'est suicidé. Et ce qui c'est documenté que son circuit en 86 a été une des causes du suicide. Mitch Williams n'a jamais été le même après son circuit de. Mitch non, Williams n'a jamais sûr. Été le même après le circuit de qu'a donné à Joe Carter en 93. Tommy Dunfuhr également avec les Dodgers de Los Angeles en 86. Donc ça c'est documenté que la pression t'es pas obligé de. Écoute, t'es pas obligé d'aller si loin que ça, là, Bruno, là. Comment tu penses? Bruno, dis-moi aujourd'hui, là, comment tu penses que Verlander se sent suite au match d'hier? Tu sais, Verlander, là, tout le monde, là, nous trois, on le prendrait dans notre équipe demain. Là. Ouais. Mais Verlander, là, lui, là, il fera pas rien de grave. Là. Ben, je veux juste dire, là, Verlander, aujourd'hui, il fait pas bien parce qu'il a échappé une à Devers, puis il doit pas filer très bien aujourd'hui parce que la balle était dans ses mains. Lui, il veut la balle dans ce match à élimination-là des Astros. Puis malheureusement, ils n'ont pas gagné les Astros. Bill Buckner. Il ne peut pas filer bien aujourd'hui. Bill Buckner, on ne se rappelle pas de lui comme un bon joueur de premier but, mais de la balle qui a échappé en 86. Allez, on va faire parler Bruno un peu pour lui. Bruno, les Red Sox, écoute, moi je suis surpris que ça finisse en 5. Et qu'il a été balayé 3 fois les Astros à Houston, ça c'est surprenant aussi. Ben, en plus, au début des séries, on s'était dit, tu sais, les Red Sox, il y a une chose qu'on se pose comme question, c'est comment ils vont réagir face à l'adversité. Tu sais, cette année, ça a été une saison assez assez facile. C'est une équipe qui est bourrée de talent, une grosse masse salariale, tout ça. Mais quand ça allait tomber corsé, ben, on a eu la réponse. Première ronde, ils ont été à Boston. Ils ont perdu le deuxième match contre les Yankees. Tout le monde, à ce moment-là, se disait, ils n'iront jamais gagner à New York. Les Yankees sont en feu. À ce moment-là, il y a beaucoup d'experts qui disaient que ça allait se terminer pour les Yankees. Mmh. Résultat des courses, Boston gagne 2 matchs à New York, puis le premier match marque 16 points. Donc, le message était passé d'aplomb. Et dans la série contre les Astros, même chose. Dès le premier match, les Astros prennent les devants de la série. Puis dans le deuxième match, Price, sans être nécessairement dominant, on a juste fait assez pour garder l'espoir un peu du côté de Boston. Ouais. Puis quand les bâtons sont réveillés, à partir de là, les Red Sox sont partis. Puis on se disait quand même, ouais, à Houston, ça serait pas facile. Il y a du monde qui disait, ça reviendra peut-être pas. Houston va balayer ça à domicile. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les Red Sox sont débarqués là. Puis ils ont complètement dominé les 3 matchs. Il y a eu des événements, le circuit de Altuve refusé, tout ça. On pourrait revenir, mais dans l'ensemble de l'œuvre, ils ont marqué une tonne de points. La force de l'équipe des Astros, qui était supposée être leur lanceur partant, Garrett Cole n'a pas fait le travail dans le match numéro 2. Tout s'est écroulé à partir de là. Puis en bout de ligne, moi j'avais choisi les Astros en 6 parce que je trouvais qu'il y avait des meilleurs lanceurs dans l'ensemble de l'œuvre. Osuna a eu des ennuis. Ça a été vraiment, vraiment une domination. Puis il marque une tonne de points. Moi, c'est ce qui me frappe. Je regardais ça ce matin. Là. Depuis le début des séries, là, il y a eu 9 fois dans l'américaine. Dans tous les matchs, là, il y a eu 13 matchs des séries, là, incluant les matchs wildcard. Il y a eu 9 fois où il y a eu plus de 6 points d'inscrits dans la Ligue américaine dans un match par une équipe, que ce soit les Astros, les Red Sox et compagnie. Et dans la Ligue nationale, aucun. Il n'y a aucune équipe qui a marqué plus que 6 points dans les 13 matchs qui ont lieu jusqu'à maintenant. Ça en dit beaucoup sur la force offensive d'Américaine. Ah, regarde, c'est incroyable. Derek, on va y aller avec l'autre série, les Brewers de Milwaukee contre les Dodgers. Moi, ce que je retiens dans cette série-là, c'est que les Brewers ne frappent pas. Tu sais, Chris Yelich, là, 2 en 20, je pense, quelque chose de même. Plusieurs ratés sur des prises également. Aguilar, le joueur de premier but, qui est un excellent joueur de premier but, ça va pas non plus. Ryan Brown aussi. Et là, on s'en va à Milwaukee, par contre. Et là, je pense que moi, je pense que ça va lancer cette série-là. Ben, ils n'ont pas le choix, là. Ouais, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent se rendre aux séries mondiales, ils n'ont pas le choix, eux autres, ils ne peuvent plus en perdre. Là. Fait que les Brewers, ben c'est ça. Écoute, les Dodgers ont trouvé, semblent avoir trouvé puis exploité un petit trou infime que personne d'autre a réussi à trouver dans l'élan de Christian Yelich cette année. Ils continuent d'y envoyer des balles rapides, c'est haut à l'intérieur. Ils menottent. Puis quand tu regardes là, la stratégie, ils l'ont pas changé. Eux autres, ils se disent, tant que lui, il s'ajuste pas, nous autres, on va continuer de l'attaquer avec des rapides au coin intérieur, puis haut à l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire avec. Puis c'est malheureux parce que les Brewers, le succès des Brewers, surtout ce qu'on regarde la deuxième moitié de saison, puis tout le mois d'août, puis le mois de septembre, eux autres, ils ont embarqué sur le train de Yelich, là, puis ils ont dépassé les Cubs comme ça, puis ils ont remporté la division de même. Fait que là, ils se retrouvent, puis justement, ces gros canons-là font pas beaucoup de bruit. Alors, pour les brasseurs, s'ils veulent continuer, il va falloir qu'il y ait un coup sûr à la fois, faire avancer le coureur, puis jouer de façon un petit peu plus intelligente, puis plus ajustée, parce que les Brewers, c'est pas ça qu'ils font en ce moment. Ouais. Côté des Dodgers, mais eux autres, ils trouvent les coups sûrs opportuns. Puis, tu sais, c'est une bonne équipe aussi, les Dodgers. Oh, là, ouais. Eux autres sont un peu négligé dans tout ça parce qu'ils ont eu tellement un mauvais début de saison, mais tu sais, faut pas oublier que ils ont quand même Kershaw, ils ont quand même Ryu, ils ont quand même Walker Buehler. C'est une équipe qui est équipée pour veiller tard. Mais ce serait intéressant de voir s'ils sont capables de soit finir ça ce soir ou est-ce que les Brewers seraient à renverser la vapeur. Honnêtement, puis j'écoutais Bruno tantôt, puis c'est bien intéressant ce que Bruno disait sur la Ligue américaine, parce que j'étais un peu dans le même sens. Moi, je voyais même pas les Red Sox passer les Yankees, moi. Tu sais, je voyais pas plus les Red Sox passer les Astros, mais là, en ce moment, avec la victoire, l'élimination des Astros, moi, je suis prêt à dire que peu importe, là, Brewers ou Dodgers, là, oublie ça, là, les Red Sox sont trop forts, puis Alex Cora, le gérant, là, ils sont trop prêts, ils sont tellement préparés, cette équipe-là, ils sont intelligents, ils jouent de la bonne façon, puis écoute, peu importe qui se rend, là, moi, c'est les Red Sox, c'est la meilleure équipe. Écoute, Bruno, Derek a raison, hein, parce que quelque part, moi, je l'ai dit que c'était la série mondiale, la vraie série mondiale, c'est Houston-Boston, puis ils ont même pas senti, là. Un élément que je trouve bien intéressant dans ce que Derek vient de mentionner par rapport à, tu sais, il y a beaucoup de gens qui avaient choisi les Yankees, il y a beaucoup de gens qui avaient choisi les Astros, puis c'était des séries qu'on disait que les Red Sox allaient avoir de la misère, puis là, beaucoup de gens disent en ce moment, là, les Red Sox, là, c'est eux qui vont gagner, puis quand tu regardes ça comme faux, c'est bizarre de voir qu'une équipe qui avait 108 victoires, qui a la plus grosse masse salariale, puis probablement le plus gros trio de joueurs vedettes dans son équipe était négligée. Là, ça va être intéressant de voir si on se ramasse en série mondiale, puis je suis à la même place que Derek. Là. Moi, j'avais choisi les Dodgers pour gagner la série mondiale. Dan, comme je t'avais dit, depuis des années, ils ont progressé. Série de championnats qui perdaient, série de championnats qui gagnent. L'année passée, ils ont perdu la série mondiale. Machado est arrivé. Moi, je vois vraiment ce club-là plus complet, puis être capable d'aller jusqu'au bout. J'y crois encore, mais si les Dodgers ou même les Brewers arrivent en série mondiale, présentement, j'aurais pas le choix de choisir les Red Sox. Et là, c'est le rôle est différent. Là. L'approche est différente aussi. C'est facile de se motiver puis tout ça, d'amener cette couche de motivation supplémentaire quand t'as le rôle de négliger malgré ta grosse fiche. Là, tout d'un coup, tu vas te ramasser dans le siège du conducteur, la série va se passer chez vous, tu vas avoir l'avantage du terrain. J'ai bien hâte de voir cet aspect-là, parce que si ça fait pas dérailler le train, comme Derek a mentionné, Alex Cora fait un travail exceptionnel sur le banc, il y a plein de ressources, à moins qu'un gars comme Chris Sale, finalement, son épaule lâche ou que son truc à l'estomac l'incommode puis tout ça, puis qu'on ait un petit peu de misère avec la rotation. Pour le reste, ça va être une équipe qui va être vraiment difficile à arrêter, parce que ils font des points. Je suis vraiment surpris à quel point ils ont été capables de marquer des points face aux lanceurs des Astros. Donc, évidemment, j'ai très, très hâte de voir ce qui va arriver ce soir. Hey, Derek, puisque je t'ai, Bruno, j'ai des points d'actualité que je veux te parler. Je veux te parler des Blue Jays, Derek. Ben Nicholsmith vient de toi, qui est de Sportsnet, qui est probablement un des insiders les plus branchés chez les Jays, vient de tweeter que Joey Espada, l'assistant gérant à AGN chez les Astros de Houston, sera un des candidats sérieux maintenant pour être gérant des Blue Jays de Toronto. Ton collègue Jacques Doucet a dit l'autre jour, je ne serais pas surpris de voir un Latin arriver près de soit comme gérant ou encore comme assistant gérant. Il avait parlé de Carlos Beltran. Mais Espada, ça aurait beaucoup de sens comme gérant des Blue Jays. Écoute, je ne sais pas, sont rendus où dans le processus des gars qu'ils ont rencontrés. Moi, mon préféré là-dedans, moi, c'était Stubby Clapp. Ouais. C'était le gérant du niveau 3A avec les Cards de Saint-Louis, l'organisation des Cards, parce que c'était un Canadien. Puis autant que un ancien joueur de l'Amérique latine ou un entraîneur de l'Amérique latine, je trouve ça intéressant. Je trouve davantage dans la situation où on est, je trouve qu'un Canadien, ça serait cool aussi. Surtout que Stubby Clapp, il n'y a pas juste le fait d'être Canadien comme qualité. Là, il a aussi remporté deux années de suite le titre de gérant de l'année dans la Ligue du Pacifique. Et la situation avec les Cards qui ont donné le contrat à Mike Shield pendant deux ans, mais il est comme un peu bloqué là. Mais je suis pas dans les négociations ou dans les interviews. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas qui il aime ou comment, tu sais exactement qui il cherche. On sait un peu qu'aujourd'hui là, les équipes ce qu'ils recherchent c'est quelqu'un de jeune. Ouais. C'est quelqu'un qui est près des joueurs. C'est quelqu'un qui est contrôlable. Alors quelqu'un que l'équipe d'analytique peuvent lui dire c'est quoi l'alignement, puis que lui, tu sais, ça fait pas 15 ans qu'il est gérant, puis il va faire les choses à sa façon là, comme un Mike Socha ou un Joe Girardi. Mm. Fait que tu sais, quand tu remplis ces critères là, quand les Blue Jays ils font leur processus d'entrevue, mais tu sais, c'est un peu tout ça là. Fait que Il n'y a peut-être pas de mauvais choix. Espada, il est jeune, il a à peine 42-43 ans. C'est un gars qui a déjà joué. Puis, écoute, quand tu as la chance d'être avec A.J. Hinch, A.J. Hinch, il est très solide. T'as vu, Cora, c'est un adjoint à A.J. Hinch avant, puis regarde Cora, là, qui s'accroche en maudit. Ouais. Bruno, t'étais là quand Jacques Doucet a dit ça. Lui, il parlait de Carlos Beltran. Là, il y a Vladimir Guerrero, qui est une vedette, qui ne parle pas anglais. Là, Espada, qui serait un des candidats maintenant sérieux, selon Ben Nicholsmith. Écoute, je pense que c'est de plus en plus plausible, hein? Moi, je ne sais pas, avec Guerrero, qui est une vedette en montée, qui ne parle pas anglais. Mais je dirais, moi, j'en vois beaucoup ce que Derek vient de dire. Le dernier point là, par rapport à Espada, c'est qu'il était sur le banc avec A.J. Hinch. Ouais. Tu sais, on fait souvent le parallèle au football, puis on dit que les coachs qui sortent de Nouvelle-Angleterre sous Bill Belichick, ils se sont tous plantés. Ouais. Il y a quelque chose là qui dit qu'ils ont peut-être pas tout pris le knowledge, ou peut-être que le bon vieux Bill, il a pas tout passé ce qu'il connaissait. Mais quand tu regardes la façon avec Cora, la façon qu'il gère son équipe et tout ça, puis tu regardes A.J. Hinch qui a réussi à amener, puis le virage culturel aussi du front office des Blue Jays qui ressemble beaucoup à ce que les Astros ont fait il y a quelques années. Fait qu'un gars qui a grandi dans ce moule-là, moi je trouve qu'Espada, ça fait vraiment beaucoup de sens pour ça. T'sais, il arrive vraiment comme ça, puis d'ailleurs, Ben Nicholsmith le mentionne, il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à Espada présentement, justement pour ça, parce que de plus en plus de front office dans le baseball tentent de faire un virage plus analytique, veulent avoir des gars qui ont grandi sur le banc avec des gérants qui suivent ces indications-là, qui ont gagné ces indications-là, puis vraiment plus que pour le fait latin. Tu sais, je comprends là, les joueurs latins, tout ça, je peux le comprendre, mais je pense encore plus sur ce que Derek a dit, c'est beaucoup plus la provenance, la culture qu'il veut emmener, qui fait en sorte qu'Espada est vraiment devenu un candidat intéressant, non seulement à Toronto, mais un peu partout ailleurs, parce que Cora, il a comme ouvert la porte en disant « Quand tu passes dans l'école de AJ Hinch, regarde ce que ça donne à côté. Mets des joueurs de talent autour de ce gars-là, puis tu vas être capable de gagner. » Hey, Derek, d'ailleurs... Malheureusement pour lui, son arrêt vient de se libérer aussi, là, Espada. Ouais. Derek, dernière question. Je veux te parler de Vladimir Guerrero Jr. Je t'ai pas parlé durant l'année, on se parle pas durant l'année, mais je veux avoir ton opinion là-dessus. Vlad, écoute, il fait un malheur actuellement dans la Ligue de l'Arizona. Moi, je trouve que ça, qu'il n'y a pas d'affaire là. Et tant qu'à avoir, tant qu'elle l'envoyait là, j'aurais aimé mieux qu'on le fasse jouer à une autre position pour l'habituer, parce que je pense que son avenir d'un majeur n'est pas au troisième but. Il va commencer au troisième but, sauf que avant longtemps, on va le voir au premier but ou au champ gauche. Est-ce que t'aurais aimé ça le voir à une autre position tant qu'elle l'envoyait là-bas? Ben écoute, il faut qu'il commence en quelque part. Ouais. Hein? Si toi, tu es déjà en train de dire où il va finir sa carrière, où il va jouer dans une couple d'années, mais tu sais, c'est des positions qui sont peut-être un petit peu plus faciles, le joueur de premier but, à développer un coup que tu as maîtrisé ta position de base, ta position de première. Dans son cas, à lui, sa position première, c'est le joueur de troisième but. Fait qu'il faut qu'il développe ça, faut qu'il continue de s'améliorer là. La Ligue de l'Arizona, c'est une ligue qui est vraiment relevée. Fait qu'il y a une chance de jouer à un rythme régulier. Tu sais, quand j'écoute les critiques des dépisteurs ou ceux qui suivent, il n'y a pas beaucoup de critiques là, sur Junior, là. Sauf que c'est son lancer, la constance de son lancer. Fait que des fois, c'est un jeu de pied, des fois, c'est juste de la répétition, d'expérience. Pour avoir un relâchement plus constant de sa position. Je pense que c'est ça. Puis les Blue Jays vont sûrement employer ça comme excuse au camp d'entraînement, là, pourquoi qu'ils vont rétrograder à la fin du camp pour le garder dans le 3A pendant une couple de semaines, comme les Cubs avaient fait avec Chris Bryant il y a une couple d'années. Là. Fait que ça va ressembler un peu à ça, mais une autre position. Écoute, je comprends la question, mais je pense qu'on va se concentrer sur une, puis après ça, on a à s'ajuster, on va s'ajuster. Là. Mais je vais dire une chose, par exemple, il est pas mal trop jeune pour être frappeur désigné. Ah, c'est sûr. Pour ça, je vais au premier but au champ gauche. Ben, messieurs, très intéressant encore une fois. Derek, bonne fin de série de baseball. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. On se reparle peut-être un autre tantôt. Bien gentil, j'ai bien hâte. Puis oui, bonne série mondiale à vous également. Puis écoute, moi j'espère que ça se resserre un peu dans National. Ouais. Au moins qu'on atteigne un autre match de plus, là, mais encore là, peu importe, là, je pense que les Red Sox viennent de battre la meilleure équipe. Ah, ouais, puis je pense que ça fait que les Red Sox c'est la meilleure équipe. Bruno, nous on s'en revoit, on s'en parle vendredi prochain avec quelqu'un d'autre. Fait que un autre invité prestigieux. Fait que on s'en reparle. On continue la tournée. Ouais, fait que voilà notre Bruno Boudreau et Derek Aucoin sur les séries dans le baseball.